raconte un peu. Ouais, tout est en ordre. Moyenne. Au cours de notre dernière leçon, nous avons étudié la négation des verbes et des substantifs. Vous vous rappelez? Ich komme nicht vom Betebusch. Ich schaffe nicht an der Stadt. Mir hu kein Auto, kein Haus, kein Waschmaschine, kein Kanner. Cependant, pour les substantifs, il arrive qu'on formule une négation sans répéter le substantif lui-même. Hast du kein Auto? Nein, ich hab kein Auto. Mais on peut aussi dire « nin schukin ». Donc, pour un nom masculin, on emploie simplement le mot « kin » sans le faire suivre par le substantif. Même chose pour le féminin et le pluriel tout genre. « Hast du eine Waschmaschine ?»« Nin schukin Waschmaschine » ou bien « Nin schukin ».« Hast du Kanner ?»« Nin schukin Kanner ». Cependant, si le nom mis en négation est un neutre, il y a un petit changement. Hast du ein Haus? Nein, ich habe kein Haus. Ou bien, nein, ich habe kind. Donc, le kind devient kind si la négation n'est pas suivie par le substantif. Hast du ein Kind? Nein, ich habe kein Kind. Ou bien, nein, ich habe kind. Même phénomène d'ailleurs pour les tournures affirmatives si le substantif n'est pas répété. Hast du ein Haus? Ja, ich habe ein Haus. Ou bien, ja, ich habe eins. Hast du ein Kind? Ja, ich habe ein Kind. Ja, ich habe eins. Donc, pour les différents genres, cela nous donne... Hast du ein Auto? Ja, ich habe ein Auto. Ja, ich habe eins. Hast du eine Waschmaschine? Ja, ich habe eine Waschmaschine. Ja, ich habe eins. Hast du ein Mädchen, une fille, neutre? Ja, ich schon ein Mädchen. Ja, ich schon eins. Comme pour le pluriel, on ne peut pas dire oui, j'en ai un ou une, on emploie le terme da, qui correspond en quelque sorte au français en. Est-ce que tu as des enfants? Hast du Kinder? Oui, j'en ai trois. Ja, ich schon da drei. Hast du ein Mädchen? Ja, ich schon da zwei. Hast du eine Television? Ja, ich schon da zwei. Mais assez de grammaire pour aujourd'hui. Tournons-nous pour terminer vers des choses plus agréables, en l'occurrence les spécialités culinaires luxembourgeoises. Les traductions françaises ont pour la plupart été empruntées à un livre de Jules Cristofori qui s'intitule « Qui a peur du luxembourgeois ?» Jut mat gerde bonen. Collé de porc fumé aux fèves de marais. Fiekels jali. Le cochon de lait en gelée. Leverknidlen mat sauermaus. Quenelle de foie de veau à la choucroute. Eislika ham. Jambon des Ardennes, servi cru ou cuit. Treipen. Boudin. Saucis. Saucisse fumée. Kuddelfleck. Gras double trip. Hoesen civi. Civé de lièvre. Verwurrelta ou verwurrelt gedanken. Pensée brouillée. Ce sont des petits gâteaux, une spécialité du carnaval. Bonne schlup. Soupe aux haricots verts et aux pommes de terre. Jetzebulli mat Mettwurst. Soupe aux petits pois et à la saucisse. Et bien sûr, le fameux Karkeis, la cancaillotte. Encore une fois. Jut mat gerde bonen. Fiekels jali. Lever knidlen mat sauermaus. Eislika ham. Treipen. Saucisse. Kuddelfleck. Huesen zivi. Verwurrelta. Bone schlupp. Jetzt ein Zopf mit Mettwurst. Ah, Karkeis. Alors, bon appétit, jusqu'à la prochaine.